soupçons volatiles. À peine a-t-il laissé un flottement dans nos cerfs volants qui nous tournent au-dessus, portés par le courant qui entre nous ne passe plus vraiment. Il plane un doute. Comme un point d'interrogation dans une ambiance de suspicion.